Juges chapitre 16. Or Samson s'en alla à Gaza, et vit là une femme paillarde, et alla vers elle. Et on dit à ceux de Gaza, Samson est venu ici, ils l'environnèrent, et lui dressèrent une embuscade, toute la nuit à la porte de la ville, et ils se tinrent tranquilles toute la nuit, en disant, qu'on ne bouge point jusqu'au point du jour, et nous le tuerons. Mais Samson après avoir dormi jusqu'à la minuit, se leva, et se saisit des portes de la ville, et des deux poteaux, et les ayant enlevés avec la barre, il les mit sur ses épaules, et les porta sur le sommet de la montagne qui est vis-à-vis d'Hébron. Après cela il aima une femme qui, se tenait près du torrent de Sorée, le nom de laquelle était Delila. Et les gouverneurs des Philistins montèrent vers elle, et lui dirent, persuade-le jusqu'à ce que tu saches de lui en quoi consiste sa grande force, et comment nous le surmonterions, afin que nous le lions pour l'abattre, et nous te donnerons chacun 1100 pièces d'argent. Delila donc dit à Samson, déclare-moi, je te prie, en quoi consiste ta grande force, et avec quoi tu serais bien lié, pour t'abattre. Et Samson lui répondit, si on me liait de cette corde fraîche, qui ne fût point encore sèche, je deviendrais sans force, et je serais comme un autre homme. Les gouverneurs donc des Philistins, lui envoyèrent cette corde fraîche qui n'était point encore sèche, et elle l'en lia. Or il y avait chez elle dans une chambre des gens qui étaient en embûche, et elle lui dit, les Philistins sont sur toi, Samson. Alors il rompit les cordes, comme se romprait un filet d'étoupe dès qu'il sent le feu, et sa force fut point connue. Puis Delila dit à Samson, voici tu t'es moqué de moi, car tu m'as dit des mensonges, je te prie, déclare-moi maintenant avec quoi tu pourrais l'être bien lié. Et il lui répondit, si on me liait serré de courroies neuves, dont on ne se serait jamais servi, je deviendrais sans force, et je serais comme un autre homme. Delila donc prit des courroies neuves, et elle l'en lia, puis elle lui dit, les Philistins sont sur toi, Samson. Or il y avait des gens en embûche dans la chambre, et il rompit les courroies de dessus ses bras comme un filet. Puis Delila dit à Samson, tu t'es moqué de moi jusqu'ici, et tu m'as dit des mensonges, déclare-moi avec quoi tu serais bien lié. Et il dit, ce serait si tu avais tissu cette tresse de ma tête autour d'une ensuble. Et elle les mit dans l'ensuble avec la tache, puis elle dit, les Philistins sont sur toi, Samson. Alors il se réveilla de son sommeil, et enleva la tache de la tissure avec l'ensuble. Alors elle lui dit, comment dis-tu, je t'aime, puisque ton cœur n'est point avec moi? Tu t'es moqué de moi 3 fois, et tu ne m'as point déclaré en quoi consiste ta grande force. Et elle le tourmentait tous les jours par ses paroles, et le pressait vivement, tellement que son âme en fut affligée jusqu'à la mort. Alors il lui ouvrit tout son cœur, et lui dit, le rasoir n'a jamais passé sur ma tête, car je suis Nazaréen de Dieu dès le ventre de ma mère, si je suis rasé, ma force m'abandonnera, je me trouverai sans force, et je serai comme tous les autres hommes. Delila donc voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur, envoya appeler les gouverneurs des Philistins, et leur dit, montez à cette fois, car il m'a ouvert tout son cœur. Les gouverneurs donc des Philistins montèrent vers elle, portant l'argent en leurs mains. Et elle l'endormit sur ses genoux, et ayant appelé un homme, elle lui fit raser cette tresse des cheveux de sa tête, et commença à l'abattre, et sa force l'abandonna. Alors elle dit, les Philistins sont sur toi, Samson. Et il s'éveilla de son sommeil, disant en lui-même, j'en sortirai comme les autres fois, et je me tirerai de leurs mains, mais il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Les Philistins donc le saisirent, et lui crevèrent les yeux, et le menèrent à Gaza, et le lièrent de 2 chaînes des reins, et il tournait la meule dans la prison. Et les cheveux de sa tête commencèrent à revenir, comme ils étaient lorsqu'il fut rasé. Or les gouverneurs des Philistins, s'assemblèrent pour offrir un grand sacrifice à Dagon leur dieu, et pour se réjouir, et ils dirent, notre dieu a livré en nos mains Samson notre ennemi. Le peuple aussi l'ayant vu, loua son dieu, en disant, notre dieu a livré entre nos mains notre ennemi, et le destructeur de notre pays, et celui qui en a tant tué d'entre nous. Or comme ils avaient le cœur joyeux, ils dirent, faites venir Samson, afin qu'il nous fasse rire. Ils appelèrent donc Samson, et ils le tirèrent de la prison, il se jouait devant eux, et ils le firent tenir entre les piliers. Alors Samson dit au garçon qui le tenait par la main, « Mets-moi en une telle place que je puisse toucher les piliers sur lesquels la maison est appuyée, afin que je m'y appuie. » Or la maison était pleine d'hommes et de femmes, et tous les gouverneurs des Philistins y étaient. Il y avait même sur le toit près de 3000 personnes, tant d'hommes que de femmes, qui regardaient Samson se jouer. Alors Samson invoqua l'Éternel, et dit, « Seigneur Éternel, je te prie, souviens-toi de moi, ô Dieu, je te prie, fortifie-moi seulement cette fois, et que pour un coup je me venge des Philistins pour mes deux yeux. » Samson donc embrassa les deux piliers du milieu, sur lesquels la maison était appuyée, et se tint à eux, l'un desquels était à sa main droite, et l'autre à sa gauche. Et il dit, « Que je meure avec les Philistins. » Il s'étendit donc de toute sa force, et la maison tomba sur les gouverneurs, et sur tout le peuple qui y était. Et il fit mourir beaucoup plus de gens en sa mort, qu'il n'en avait fait mourir en sa vie. Ensuite ses frères, et toute la maison de son père, descendirent, et l'emportèrent, et étant remontés ils l'ensevelirent entre Tsora et Estaol, dans le sépulcre de Manoah son père. Or il jugea Israël 20 ans.